tirer tout cachet, tu sais. Un million de gens, ouais, qui m'aiment, je sais. Ça fait 2 millions, ouais, qui me portent le... Je pourrais me faire fumer le jour de mon mariage. Aujourd'hui tu m'aimes, demain tu m'haïras. J'ai voulu croire en toi mais c'était qu'un mirage. Faut que j'attende la prochaine entrée pour la rivage. On a trop souffert, le regard en dit long, je suis dans la GAV. J'aimerais juste fumer un pilon, le bon filon. Dans mes visions, la voix remporte, j'ai tel une âme qui dépasse du bas en élan. Assez ramassé, ça c'est jamais possible. Bien sûr, on va te niquer ta mère, oui, ça c'est vrai aussi. J'ai grandi en France, je vis ailleurs, je vais mourir en bled. J'ai des amis d'enfance qui rêveraient de me greffer des problèmes. Malheur, raisin, bonheur, les autres, placard, vacances, terrain, placard. Ici on n'est pas la hagra, donc il veut me suivre. Mets-le une tarte et sur une bécane, il revient de suite. Je pourrais me faire fumer le jour de mon mariage. Aujourd'hui tu m'aimes, demain tu m'haïras. Mais c'était qu'un mirage. Faut que j'attende la prochaine entrée pour la rivage. J'ramène le bif à la maison, j'suis dans la maison, j'suis dans le cul de sa mère. Ça prend des années de prison, mais ça garde la raison. Tant pis gros si ça merde. J'mets de l'ammoniaque dans la cuisson, j'la gale unisson, demande que j'la ramène. Tu me verras pas dans l'émission, Thierry Ardisson, j'dois visser les caméras. 12 coups, j'ferme le terrain dans la ville. 12 coups sur lui, on le verra plus dans la ville. 12 coups minuit, j'ferme le terrain dans la ville. 12 coups sur lui, on le verra plus dans la ville. T'as les bébés caca dans ce jeu? Je te cherche, je vais t'en fais trop plus, je te cherche, je t'en fais trop plus, je te cherche. Je vais faire, je vais faire. Dans 2 jours, j'ai pas mon oiseau, je t'excuse, ça c'est pas compris. Qu'est-ce que tu veux? Je pourrais me faire fumer le jour de mon mariage. Aujourd'hui tu m'aimes, demain tu m'haïras. J'ai voulu croire en toi mais c'était qu'un mirage. La prochaine entrée pour la rivage. Je pourrais me balader avec elle dans le gros moteur. En attendant je suis broliqué jusqu'à pas d'heure. Et si j'ai plus de rond, elle ne prendra pas mon cœur. Dis-leur ma haine, si elle parle de kill, c'est pas mon peur. J'pourrais me balader aveuglé dans votre hauteur. En attendant, j'suis broliqué, avenue en peur. J'suis dans l'avion à 10 000 mètres, j'ai droit d'auteur. J'attends la note, faut que j'envoie 100 balles au notaire. Prochaine entrée pour la rivage.